pas de père et il n'a pas de mère. C'est le plus frondeur de tout l'orphelinat. On cite en exemple son sale caractère et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Il vole au marché un gâteau, une orange, et on le poursuit, il faut le rattraper. On donne l'alerte, on arrête un ange, et pour se défendre, il se met à pleurer. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Il apprend à parler, son accent fait rire, il ne peut rien faire sans qu'on lui reproche d'être un étranger. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir.